إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 6 dans l'explication du livre du Cheikh Ubayd Al-Hadd Al-Fasil بين معاملة أهل السنة وأهل الباطل. C'est-à-dire la ligne ou la voie, la limite qui tranche entre la façon dont on doit agir envers les gens de la Sunna et envers les gens de la fausseté. Et on est arrivé à la question numéro 13 dans ce cours. Donc, on commence donc tout de suite avec la lecture de la question. Le Cheikh, il dit, ou bien on a posé la question au Cheikh, « أحسن الله إليكم وبارك فيكم » وهذا سائل يسأل يقول في كل زمان يفارق أهل السنة عن غيرهم ويتميزون بأمور فكيف نفرق اليوم بين أهل الحق وغيرهم. Donc la question qui a été posée au Cheikh, c'est que à chaque époque il y a des éléments يعني, qui distinguent ou qui séparent les gens de la vérité de ceux qui sont différents d'eux et qui les distingue et se distingue par certaines choses. Comment pouvons-nous aujourd'hui séparer entre les gens de la vérité et les autres? Donc, Cheikh Ubayd, il répond à cette question en disant, « Ya Bunayya, fil haqiqati ma adhunnuni atin iyaka bijadid. Ahlus sunnati humul ladhina ala sunna. ومستندهم في ذلك ومحل فقههم في ذلك هو الكتاب والسنة على وفق سيرة السلف الصالح وإن شئت فقل فقه الكتاب والسنة على وفق سيرة السلف الصالح هذا أولا. Donc le Cheikh, il dit, oh mon fils, en réalité, je ne crois pas que je vais t'amener quelque chose de nouveau maintenant par rapport à cette question. Les gens de la Sunna sont les gens de la Sunna. Hein, ce sont ceux qui sont sur la Sunna. Et leur référence dans cela, c'est et la base, l'endroit où ils prennent leur compréhension dans le fait d'être sur la Sunna, c'est de prendre leur référence dans le Coran et dans la Sunna selon la voie des Salaf al-Salih, des pieux prédécesseurs. Et si tu veux, tu peux dire la compréhension du Coran et de la Sunna selon la vie ou la voie des Salaf al-Salih, ça c'est en premier. Hein, ça c'est premièrement. فليس عند أهل السنة إلا قال الله وقال رسوله وقال الصحابة وأئمة الهدى من بعدهم وأئمة الهدى من بعدهم فليس عندهم شيء يحتفون به الناس تطويرا ومسيرة للعصور لا لماذا لأن السنة هي السلفية. Donc le Cheikh il dit, les gens de la Sunna ils n'ont rien d'autre que le fait de dire « Allah a dit » et le messager a dit et les sahaba ont dit et les imams de la guidance après eux. Ils n'ont rien yani, par laquelle ils vont yani, essayer de rassembler les gens yani, pour avancer ou évoluer ou suivre l'époque dans laquelle ils sont. Hein? Pourquoi? Parce que la sunna, c'est la salafia. Hein? Donc le cheikh il dit « Wassalafia » لم يؤسسها احد من البشر بل هي من عند الله. Donc le cheikh il dit la salafia, il n'y a pas un être humain parmi les êtres humains qui l'a établi, c'est quelque chose qui vient d'Allah azza wa jal. جاءت بها النبيون والمرسلون بدءا من نوح صلى الله عليه وسلم وانتهاءا بمحمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على الجميع وآدم من قبل نوح كان نبيا مكلما عليه الصلاة والسلام ولكن أهل العلم يقولون أول الرسل نوح لأنه أول نبي أرسله الله إلى أهل الأرض. Donc le cheikh il dit que la salafia, comme on a dit, elle n'a pas été établie par aucun d'entre les hommes. C'est quelque chose qui vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est quelque chose qui a été ramené par les prophètes et les messagers. En commençant par le premier d'entre eux, c'est-à-dire Nuh, premier messager, et le dernier terminant avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est hein, le dernier d'entre les messagers. Et que Allah, subhanahu wa ta'ala, envoie sa paix et son salut sur tous les messagers, sans exception. De Adam, hein, avant Nuh, parce que c'était un prophète à qui Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, alayhi salatu wassalam, mais les hommes de science, ils disent, le premier messager, c'était Nuh, alayhi salam, parce que c'est le premier qui a été, hein, c'est le premier prophète qui a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala aux habitants de la terre. ولهذا فإن السلفيين أهل السنة والجماعة أهل الحديث أهل الأثر الفرقة الناجية الطائفة المنصورة يزنون أقوال الناس وأعمالهم بميزانين وذلكم الميزانان هما النص والإجماع فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه كائنا من كان ثم هذا الموافق لنص أو إجماع قد يكون من أهل السنة وقد يكون من غيرهم. Donc le cheikh il dit que, et c'est pour cela que les salafis, les gens de, bon, là le cheikh il va énumérer différents noms par lesquels on distingue les gens qui suivent la sunna. Donc on les appelle soit les salafiyyin, les gens d'Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, ou les gens du hadith, ou les gens de la tradition et de la narration, le groupe sauvé, le groupe victorieux. Tous ces noms-là sont des noms qui désignent les mêmes personnes, c'est-à-dire les gens qui suivent les sahaba et les tabi'in et les tabi'in et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon jusqu'à notre époque. Hein? Donc, ça, c'est les gens qui suivent la voie des salafs. Eh bien, ces gens-là, les salafiyyin, les gens de Ahl Sunnah, hein, le groupe sauvé, le groupe victorieux, les gens du hadith, les gens de la narration et ainsi de suite, eh bien, ils pèsent les paroles des hommes ainsi que leurs œuvres par deux balances. Ils ont deux balances sur lesquelles ils se basent pour peser les actions et les paroles des hommes. Et ces deux balances en question, ce sont premièrement le texte de la révélation, c'est-à-dire qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, An-Nas, hein, ça c'est An-Nas, le Coran et la Sunna c'est An-Nas. Et Al-Ijma, la deuxième balance, c'est Al-Ijma, c'est-à-dire le consensus hein, des ulama de la Ummah, le consensus des ulama de la Ummah. Donc, quiconque est en accord avec un texte, soit du Coran ou de la Sunna, qui est clair et explicite, ou une ijma', c'est-à-dire un consensus, alors dans ce cas-là, on accepte de lui. S'il ramène soit un texte explicite du Coran ou de la Sunna, ou un consensus, dans ce cas-là, on accepte de lui. Mais celui qui contredit le texte et l'ijma', eh bien, on le rejette. C'est-à-dire, on rejette ce qu'il dit, peu importe qui il est. Puis ensuite, parmi ceux qui sont en accord avec un texte clair et explicite, du Coran et de la Sunna, ou avec l'ijma', eh bien, c'est possible qu'il fasse partie des gens de la Sunna, comme également il est possible qu'il fasse partie d'autres que les gens de Coran et de la Sunna. C'est possible qu'il fasse partie des gens de la bid'a. Donc le Cheikh il dit fa in kana minhum fa innahu yakburu fi a'yunihim wa yu'azzam fi qulubihim. Ya'zumu fi qulubihim لأن هذا هو الرابطة بينهم وبين الناس فكلما كان الرجل مكينا في السنة قويا في الذب عنها وعن أهلها والنصرة لها ولأهلها كلما كان في أعينهم عظيما كبيرا الشيخ الدي سي الفبارتي دو c'est-à-dire que s'il fait partie des gens de la Sunna, alors dans ce cas-là, cette personne, elle va être valorisée aux yeux des gens de la Sunna. Et elle, cette personne va être respectée dans le cœur des gens de la Sunna. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui va être un lien entre eux et les gens. Tandis que la personne, donc chaque fois qu'une personne, plus elle est établie et fermement établie sur la Sunna et forte dans cette voie, forte dans la défense de la Sunna, forte dans la défense des gens de la Sunna et forte dans la défense et le support de la Sunna et des gens de la Sunna, eh bien, plus cette personne-là sera valorisée et respectée à leurs yeux. Ils vont lui donner une grande valeur, ils vont le respecter. وإن كان من غير أهل السنة فيقبلون ما جاء به من الحق لكن لا يركنون إليه ولا يطمئنون إليه لأنه غريب عنهم لكن وافق في قوله أو فعله ما عنده فهم لا يقبلون منه الحق لذاته لا بل لموافقته السنة. Donc le cheikh il dit, si cette personne par contre elle fait partie d'autres que les gens de la Sunna, dans ce cas-là on acceptera ce qu'elle dit de la vérité, mais on ne va pas on ne va pas se on ne va pas retourner vers elle, comme une référence et se sentir en paix et en tranquillité par rapport à cette personne, parce que c'est quelqu'un qui est étranger aux gens de la Sunna. On ne va pas retourner vers cette personne comme une base, comme une référence, parce que c'est quelqu'un qui est quelqu'un qui est étranger aux gens de la Sunna. Mais elle a été en accord avec eux dans une parole qu'elle a dite, dans une action qu'elle a faite. Donc, le Cheikh il dit, فَهُمْ لَا يَقْبَلُونَ مِنْهُ الْحَقِّ لِذَاتِهِ بَلْ لِمُوَافَقَتِهِ السُنَّةِ. Donc, ils ne vont pas accepter la parole de cette personne-là uniquement parce que c'est elle qui l'a dite, mais uniquement parce qu'elle a dit quelque chose qui est en accord avec la Sunna. Donc, il faut faire la distinction entre celui qui est à la base sur la Sunna et qui ne suit que la Sunna et qui dit des paroles qui sont en accord avec le Coran et la Sunna parce que c'est sa voie, c'est la voie qu'elle suit et c'est la voie qu'elle défend, et elle défend les gens qui sont sur cette voie-là. Donc, hein, cette personne-là, on prend sa parole et on retourne vers elle parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est à la base sur la sunna. Tandis que quelqu'un qui est sur la bid'a à la base, puis qu'elle a, elle a dit une parole qui est en accord avec le Coran et la sunna dans un point quelconque ou dans un élément quelconque, on accepte la vérité, mais on ne va pas retourner vers cette personne et se sentir à l'aise ou en paix par rapport à cette personne du fait que c'est quelqu'un qui est sur la bid'a. Et si on accepte cette vérité qu'elle a dit, eh bien on l'accepte pas parce que pas pour elle-même, mais par rapport au fait qu'elle a été en accord avec la sunna dans cette parole-là seulement. Le cheikh il dit wa thammata amrun thalith wa huwa أن السني حتى وإن جفاه بعض أهل السنة هو محب لهم ومنافح عنهم يدعو لهم ويدعو إليهم ويربط الناس بهم ولا يفاصلهم وإن كان بينه وبين بعض أهل السنة شيء من الجفوة وشيء من النفرة لأن الذي جمع بينهم هو دين الإسلام الخالص اجتمعوا في الله ويحبون أنهم كانوا ويحبونهم ويحبون أنهم كما اجتمعوا في الله أن يتفرقوا عليه ويحبون أنهم كما اجتمعوا في الله أن يتفرقوا عليه. Donc le cheikh il dit il y a une chose, une troisième chose que je veux mentionner aussi, c'est que la personne qui est sur la sunna, le sunni, même si il se fait traiter d'une manière qui est dure de la part de certains des gens de la sunna, ou bien même si, par exemple, certains des gens de la sunna lui manquent de respect, eh bien, malgré tout, il les aime et il va les défendre et il va appeler à les suivre. Il va faire des du'as pour eux et il va appeler à retourner vers eux et il va rattacher les gens à eux et il ne va pas se séparer d'eux et couper les liens avec eux, même s'il y a entre eux et les gens et certains d'entre les gens de la sunna un manque de respect ou une froideur ou une mauvaise relation à propos de quelque chose, ou même si parfois ils se sentent un petit peu comme si les uns s'enfuient des autres par rapport à certaines choses, mais la chose qui les unit, qui unit entre eux, c'est la religion pure d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils se sont réunis en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils s'aiment en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils s'aiment de la même manière qu'ils se sont réunis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se divisent uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et sur qu'est-ce qui va causer une séparation dans les bases de la religion, dans l'aspect du manhaj. Sinon, ils ne vont pas se séparer, ils ne vont pas se couper les liens ou cesser de s'aimer les uns les autres juste parce qu'ils ont des petits malentendus entre eux dans les questions, dans certaines questions de comportement, des choses comme ça. Donc, ils s'aiment quand même, et cet amour-là reste. Pourquoi? Parce qu'ils s'aiment à la base en Allah subhanahu wa ta'ala et sur la vérité. أما المبتدع فليس على ذلك. هو يناصب أهل السنة. يناصب أهل السنة ومن يواليهم العداوة ويظهر بغضهم والنفرة منهم ويحقر شأنهم ويسعى جاهدا في فصل الناس عنهم. هذا ما يمكن قولي هذه اللحظة جوابا على سؤالي. أما المبتدع فليس على ذلك. هو يناصب أهل السنة ومن يواليهم العداوة ويظهر بغضهم والنفرة منهم ويحقر شأنهم ويسعى جاهدا في فصل الناس عنهم. هذا ما يمكن قولي فيها ما يمكن قولي هذه اللحظة جوابا على هذا السؤال جوابا على سؤالك. Donc le cheikh il dit, tandis que le mubtadi' c'est totalement différent de ce qu'on vient de mentionner. Hein? Le sunni, on a dit, même s'il a des problèmes hein, avec certains d'entre les gens de la sunna, certains malentendus ou des problèmes de comportement, il va quand même les aimer, puis il se rattache à eux, il ne va pas se séparer complètement, il ne va pas éloigner les gens d'eux, il ne va pas les détester, et ainsi de suite. Tandis que le mubtadi', lui, c'est pas comme ça. Le mubtadi', il se positionne en ennemi par rapport aux gens de la sunna et par rapport à ceux qui défendent les gens de la sunna. Et il a de l'animosité envers eux et il exprime sa haine hein, des gens de la sunna. Et il expose sa haine des gens de la sunna, il la montre. Et également, il fait fuir les gens, ou il essaie de faire fuir les gens des gens qui suivent la sunna et la salafia. Et ils vont les mépriser devant les autres, essayer de les dénigrer hein, aux yeux des gens. Et il va lutter par tous les moyens qu'il possède pour essayer de faire en sorte que les gens se séparent d'eux. Et ça fait penser à l'attitude de certains hezbiyyin en France et ailleurs même dans d'autres pays qui yani ont une animosité et une haine envers les salafiyins et qui se positionnent comme ennemis hein, envers les salafis et envers ceux qui appellent à la salafia et qui clarifient le manhaj pour les gens et qui dénigrent les salafis et les prêcheurs salafis et les ulama salafiyins et qui les détestent. Donc ces gens-là, comme le cheikh il dit, ça c'est les muqtadir. Hein, ça c'est la description et la caractéristique des gens de bid'a. Hein, parce que le salafi, même s'il a un problème avec un autre salafi dans quelque chose, de la dunya ou des problèmes de comportement ou des choses comme ça, il ne va pas hein, avoir cette haine et cette animosité et ce comportement-là envers un autre salafi. Et là, donc, ça c'est très important et très intéressant à comprendre. Ensuite, le cheikh il dit As-su'al al-rabi'a ashar, question numéro 14. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وهنا سائل آخر يقول عندكم هنا في السعودية بعض المؤسسات الخيرية يقوم الإخوة عندنا بمراسلتهم قصد الحصول على بعض الكتب الدينية مع جهلهم بمناهج هذه أو علمهم بفساد مناهجهم. أي نعم، فما حكم مراسلتهم لهذه المؤسسات الخيرية؟ Donc le cheikh, on lui a posé la question et on lui dit, vous avez chez vous, en Arabie Saoudite, certaines organisations, certaines institutions de bienfaisance qui distribuent des livres ou qui font des trucs comme ça. Et le cheikh, on lui demande, on lui dit qu'il y a certains frères, parce que ceux qui posent la question maintenant sont du Maroc, mais il y en a d'autres pays aussi. Il y a certains frères chez nous qui leur écrivent pour avoir certains livres de leur part, des livres de religion. Et il est possible que ces frères-là qui les contactent ignorent leur méthodologie, la réalité de leur méthodologie, ou bien c'est possible aussi qu'ils savent qu'ils ont une méthodologie corrompue. Donc, quel est le verdict sur le fait de garder le contact avec ces associations et ces institutions de bienfaisance? Donc, le cheikh, il répond à cette question. Et il dit... Non. Donc, le cheikh, il répond à cette question. Il dit, « Awwalan, premièrement, al-haqq haqq. ولا يؤثر فيه زمان ولا مكان ما دام أنه يستند على الكتاب والسنة فهو حق، وإن كان الحق يقوى نصرة وأتباعا في بعض الأمكنة وبعض الأزمنة، هذا لا شك عندنا فيه، لكنه حق. وإن لم يكن عليه إلا رجل واحد أو امرأة واحد أو امرأة أو إلا رجل واحد أو امرأة واحدة هو حق. Donc le cheikh il répond en disant que premièrement la vérité c'est la vérité, et le fait que yani ce soit dans un endroit en particulier ou une époque, yani ça c'est pas quelque chose qui a un impact sur la vérité. Yani la vérité c'est la vérité peu importe l'endroit et peu importe la période ou l'époque. Du moment que c'est quelque chose qui se repose ou qui revient au Coran et à la Sunna, parce que là c'est la vérité. Même si on peut dire que parfois la vérité va être plus forte, dans le sens qu'elle va avoir plus de supporters et plus de fidèles dans certaines époques et dans certains endroits par rapport à d'autres. Ça c'est quelque chose, il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est la vérité. Même s'il y avait un seul homme ou une seule femme sur cette vérité-là, hein, eh bien ce serait la vérité quand même. Et il dit ومصداق هذا ما أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الأمم فقال فرأيت النبي ومعه الرهد والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد الحديث ولا شك ولا يشك مؤمن ولا مؤمنة أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وحده في أنه مبعوث إلى أمة أليس كذلك؟ هل هذا النبي الذي رآه أخوه محمد صلى الله عليه وسلم وحده هل بعث إلى نفسه أو إلى أمة؟ إلى أمة ولكنه ولكن ما أجابته. Donc le cheikh il dit, et pour confirmer qu'est-ce que je dis, je vous mentionne le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Abbas qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de yani la présentation des nations, hein, des différentes nations et peuples au jour de la résurrection, lorsqu'ils vont se présenter avec les prophètes vont se présenter avec leurs différentes nations, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai vu un prophète qui avait avec lui un petit groupe de personnes seulement, quelques personnes, et j'ai vu un autre prophète qui avait avec lui un ou deux hommes, et j'ai vu un prophète avec qui il n'y avait personne, il n'y avait personne qui le suivait. Ça c'est au jour de la résurrection. Donc le hadith, hein, le hadith il continue, mais le point que le cheikh voulait mentionner c'est ce point là il dit il n'y a pas de doute, hein, un croyant ou une croyante ne va pas douter du fait que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu, celui que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu parmi les prophètes qui était tout seul, il avait été envoyé à une umma, à une nation, n'est-ce pas? Et il dit, et est-ce que ce prophète, que son frère Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu tout seul, est-ce qu'il était envoyé à lui-même ou à une nation? Hein? Il a dit, oui, il a dit, il a été envoyé à une nation. Mais cette nation n'a pas répondu à son appel, n'a pas cru en lui. Le cheikh, il dit, وَلِهَذَا قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في مسائل الباب الذي أورد فيه هذا الحديث قال إن من لم يجبه أحد من الأنبياء يبعث وحده، قال يحشر وحده. وقال رحمه الله في استنباطه المسائل عمق هذا العلم فإنه لا يجوز الزهد في القلة ولا الاغترار بالكثرة. Donc le cheikh il dit que Cheikh Mohammed ibn Uthaymeen rahimahullah, quand il a expliqué les questions qui ont rapport avec ce, le chapitre qui parle de ce sujet dans le Kitab al-Tawhid, hein, lorsqu'il a parlé des choses qui ont rapport avec ce hadith, il a mentionné parmi les questions qui sont mentionnées à ce sujet, yani que celui qui vient parmi les prophètes et que personne ne l'a suivi, eh bien, il va être ressuscité, hein, au jour de la résurrection, tout seul. Hein. C'est-à-dire qu'au jour de la résurrection, il va venir et il sera seul. Et parmi les questions et les points qu'il a extraits, des bienfaits qu'il a extraits de ce point-là, c'est qu'il a expliqué la profondeur de cette science. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis de s'écarter des gens par rapport à un petit nombre, et il n'est pas permis non plus de se laisser tromper par la quantité. C'est-à-dire que parce que des gens sont plus nombreux dans un groupe, il ne faut pas se laisser tromper à croire qu'ils sont sur la vérité parce qu'ils sont nombreux. De même qu'il ne faut pas penser que des gens ne sont pas sur la vérité parce qu'ils sont peu nombreux. Le cheikh il dit وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَهُ الْفُضَيْلِ بْنُ عِيَّاضِ رَحِمَهُ اللَّهِ عَلَيْكَ بِتُرُقِ الْهُدَى وَلَا يَدُرُّكَ قِلَّةَ السَّالِكِينَ وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. Donc il dit le cheikh, et comme elle est bonne la parole qui a été dite par Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah lorsqu'il a dit reste sur la voie, sur les voies de la guidance, et le peu de personnes qui empruntent cette voie, eh bien ne laisse pas ça te nuire, ne laisse pas te nuire le fait que les gens qui empruntent le chemin de la guidance soient peu nombreux. Et il a dit, et prends garde au chemin de l'égarement et ne laisse pas la grande quantité de gens qui vont vers leur perte te tromper. Hein? Ne laisse pas la grande quantité des gens qui vont à la perdition te tromper. Hein? Parce que si tu regardes aujourd'hui, les gens qui suivent l'égarement et qui suivent le faux sont plus nombreux que les gens qui suivent la vérité. Et donc, si la quantité des gens était une référence pour déterminer qu'est-ce qui est vrai ou faux, eh bien, dans ce cas-là, on devrait tous suivre l'égarement. Hein? Puis, au jour de la résurrection, tous ces gens-là sont dans la perdition. Hein? Et ils vont tous en enfer à cause du fait qu'ils sont dans l'égarement. Donc, il ne faut pas se laisser tromper par le nombre, il faut regarder la vérité. Le cheikh il dit فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا وَعَيْتُمُوهُ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَاطِلَ بَاطِلَ فَلَا يَرْفَعُهُ الزَّمَانُ وَلَا الْمَكَانُ سَوَاءً كَانَ فِي الْمَدِينَةِ أَوْ فِي مَكَّةِ أَوْ فِي أَيِّ مَكَانٍ أَوْ فِي أَيِّ زَمَانٍ هُوَ بَاطِلٌ سواء كان متبعوه ملايين أو أحد من الناس هو باطل فليس الكثرة مصورة لاتباع ما هو باطل معلوم بطلانه كما أن القلة ليست مصورة مجانبة ما هو معروف أنه حق. Donc le cheikh il dit, donc, une fois que vous avez compris ceci, hein, que vous l'avez assimilé comme il faut, que Allah vous bénisse, eh bien, sachez que le faux est faux. Et que rien ne pourra l'élever, ni dans le temps, ni dans l'espace. Peu importe que ce soit, que cette fausseté soit à Médine, ou à la Mecque, ou à n'importe quel autre endroit, ou à n'importe quelle autre époque, si c'est quelque chose qui est faux, c'est faux. Même si ceux qui le suivent sont des millions de personnes. Ou même s'ils sont quelques-uns. Si c'est faux, c'est faux. Et la quantité ne justifie pas le fait de suivre ce qui est faux, même si les gens qui le suivent sont nombreux, lorsqu'on a su que c'est une fausseté, et le petit nombre ne justifie pas le fait de s'écarter de ce qui est connu comme étant la vérité, lorsqu'on sait que c'est la vérité. فإذا تقرر هذا فإن سؤالكم يحتوي أولا أن مراسلة مؤسسات فإن سؤالكم يحتوي أولا على مراسلة مؤسسات أقول الاسترشاد بمؤسسات أو جماعات أو أفراد بحجة أنهم دعوية أو بحجة أنها دعوية لا يكفي دعواها أنها دعوية بل لا بد من الخبرة التي تكشف حال ما عليه هذه المؤسسة أو الجماعة أو ذلكم الفرد حتى يمكن الحكم بأنه على هدى أو على ضلال فمجرد الاسترشاد والاستشارة بالشهرة والذيوعة والشيوعة هذا ليس كافيا لا سيما في هذا العصر الذي أصبحت الساحة فيه تعج بالخبث الذي لا ينجو منه إلا من نجاه الله وعصمه بسنة محمد صلى الله عليه وسلم هذا أولا. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce que vous avez posé dans votre question, si vous avez compris ce qu'on vient d'établir en commençant, eh bien, premièrement, vous avez demandé à propos du fait d'entrer en contact et de contacter certaines institutions, de da'wa, par exemple. Donc, le cheikh, il dit, premièrement, je dis que le fait de retourner vers des institutions ou vers des groupes ou vers des individus sous prétexte que ces gens-là font de la da'wa, ça, c'est pas suffisant. Le fait de prétendre qu'elles sont dans la da'wa ou qu'elles font de la da'wa, ce n'est pas suffisant. Il dit qu'il faut avoir de l'expérience et de la connaissance pour être capable de dévoiler l'état sur lequel est cette institution ou ce groupe ou cet individu. Et pour être capable de juger que cette institution ou ce groupe ou cet individu est sur la guidance ou sur l'égarement. Le simple fait de demander de l'orientation ou de la guidance en se basant uniquement sur la popularité ou la diffusion ou le fait que quelque chose soit répandu ou connu, ça c'est pas suffisant. En particulier à notre époque où le mal et ce qui est mauvais est devenu répandu et que très peu de gens sont capables d'en être épargnés ou d'en être sauvés, excepté celui qui a été sauvé par Allah subhanahu wa ta'ala et qui a été protégé par le fait de suivre la sunna du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, وثانيا تضمن سؤالكم على الناس المسترشدين بهذه المؤسسة أو مؤسسات أو كذلك غيرها هم صنفان صنف يعلمون فساد منهج تلك المؤسسة أو ذلك المسترشد به وأن منهجه منحرف فلا أدري ما يبغي هؤلاء من أهل الانحراف الذين تقرر عندهم بالدليل أن تلك المسترشد بها أو ذلك المسترشد به محكوم عليه بالضلال منهجا فهذا إن كان من أهل الأهواء فلا غرابة فالطيور على أشكالها تقع كما يقول المثل وإن كان جاهلا وهو الصنف الثاني فيجب عليه تفسيره ومناصحته كما يجب عليه دلالة كما يجب عليكم دلالته على أهل السنة الخالين من الشوب من الشوب ومن الشوب وشوب البدعة في العقيدة والمنهج. Donc le cheikh il répond, il dit également dans votre question, on peut comprendre que ceux qui vont se retourner pour avoir des informations ou du matériel de ces institutions-là sont de deux catégories. La première catégorie, ceux qui ont la connaissance de la corruption de la, du manhaj de cette association ou de cette institution. C'est-à-dire qu'ils sont au courant que ces organisations et ces associations ont des déviations. Parce qu'il y en a des fois, parmi les gens, hein, je mentionne ça pour commenter sur ce que dit Cheikh Ubaid ici, c'est que, Cheikh Ubaid l'explique, et qu'est-ce qu'on a dit dans l'introduction de, par rapport à la réponse de cette question, ça clarifie, c'est que le fait qu'une association ou une institution de da'wah soit placée ou se situe à la Mecque ou à Médine ou en Arabie Saoudite, qu'est-ce que le cheikh essaie de faire comprendre, c'est que ça ne veut pas dire qu'elle est correcte. Hein? Et on le sait par expérience et par preuve que en Arabie Saoudite, il y a des associations, il y en a encore, des groupes et des associations et des individus qui sont des hizbiyyin, hein, et qui suivent la hizbiyya. Donc, comme par exemple les qutbiyyin, les sururiyya, il y a des ikhwan aussi, et il y a d'autres tendances. Donc, c'est pour savoir qu'il y a ces groupes-là, et il y a ces gens-là. Donc, le fait de dire qu'elles sont en Arabie Saoudite, ça ne veut pas dire qu'elles sont 100% sur la sunna ou qu'elles sont correctes. Donc, il faut faire attention, et puis il ne faut pas regarder le nombre. Ensuite, le cheikh, il dit, maintenant, si vous êtes dans d'autres pays, et que vous tournez vers ces associations-là et ces organisations-là pour avoir des livres et du matériel de da'wah. Vous êtes de deux catégories possibles. Soit que vous avez la connaissance de cette association-là et que vous savez que ce sont des associations ou organisations qui sont sur un autre manhaj que celui des salafs. Donc, qui sont déviés dans leur manhaj, qui ne sont pas sur la bonne voie. Le cheikh, il dit, alors, je ne sais pas dans ce cas-là, hein? Je ne sais pas ce que vous cherchez de la part de ces gens-là, puisque vous savez que ce sont des gens de la déviation. Donc, qu'est-ce que vous allez faire à aller contacter ces gens-là pour leur demander quelque chose, alors que vous avez déjà la preuve que ceux à qui vous vous adressez, on a déjà jugé à leur sujet que ce sont des gens qui sont égarés dans leur méthodologie et dans leur manhaj. Hein? Donc, si cette personne qui s'adresse à eux sont des gens de passion, donc dans ce cas-là, on ne va pas s'étonner, parce que les comme on dit, qui se ressemblent, ça sent. En arabe, le proverbe, ça dit At-tuyur ala ashkaliha taqa'u, c'est-à-dire les oiseaux, eh bien, ils se réunissent selon les différentes couleurs qu'elles ont, les différentes couleurs et différentes apparences qu'elles ont. C'est un dicton, hein, un proverbe. Et c'est la vérité, hein, parce que les oiseaux se réunissent ensemble selon leur couleur, leur apparence. Et bien, la même chose pour les gens, les êtres humains. S'ils sont sur la bid'a, ils se réunissent. Donc, on ne s'étonne pas dans ce cas-là. Toutefois, si c'est une personne qui fait partie des gens de la sunna, mais qui ignore l'état de ces gens-là, dans ce cas-là, il fait partie de la deuxième catégorie qu'on a mentionnée dans la question, et il est obligatoire dans ce cas-là de leur donner le bon conseil, hein, et de leur expliquer, clarifier les choses comme il faut. Et il est obligatoire pour vous, hein, de les orienter vers les gens de la sunna qui sont exempts des problèmes dans leur compréhension de la religion et de la aqidah, et qui sont exempts des bid'ah dans la aqidah et dans le manhaj. Ensuite, le cheikh il dit: "Na'am, hunaka umurun wadihah. Falaw anna sahib bid'ah أهدى إليك مصحفا لا مانع، أو قال لك على سبيل المثال إن جبريل أفضل الملائكة فلا مانع، أو أهدى إليك تفسيرا معتمدا عند أهل السنة مثل تفسير ابن كثير فلا مانع من قبوله، وإن كان محققا فإن كان محققا فانظر إلى فانظر هل دس فيه شيء من بدعه أو لا، فإن دس فيه شيء فاحذره ولا تنشر هذا الكتاب، وإن كان خاليا من الدس انشره على حاله على ما فيه ولم تغير فيه شيء ولم يدس فيه شيء فلا مانع من نشره. Le Cheikh il dit, oui, il y a des choses qui sont claires. Il y a des choses par contre qui sont claires. Si une personne qui est sur la bid'a te donne un mushaf par exemple, si tu t'adresses à cette association-là, qui sont sur la bid'a, puis ils te donnent des mushaf, des copies du Coran pour distribuer ou pour donner, ça, il n'y a pas de problème. Ou bien, ils te disent par exemple, Jibril est le meilleur, le meilleur d'entre les anges. Ça, il n'y a pas de problème. Parce que c'est des choses claires. Par exemple, ils te donnent un tafsir qui est reconnu chez les gens de la Sunna. Comme par exemple, ils vont distribuer le tafsir de l'imam Ibn Kathir. Ça, il n'y a pas de problème. Et si c'est des livres qui ont été corrigés et vérifiés, par un talib ilm ou quoi, il y a un tahqiq dedans, on fait une vérification, puis une correction, puis des commentaires, et ainsi de suite. Dans ce cas-là, vérifie. Vérifie pour savoir s'ils n'ont rien introduit dedans de leur bid'ah, en premier. Puis s'ils ont mis des choses dedans, introduit des bid'ah dedans, alors prends garde, fais attention. Et ne distribue pas ce livre. Mais s'ils ont distribué s'ils ont rien mis dedans de bid'a, ils ont rien introduit dedans, il n'y a pas de choses qui ont été introduites de leur fausseté ou de leurs égarements, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Tu peux le distribuer tel quel, il n'y a aucun problème parce que c'est des choses qui sont connues, comme Tafsir Ibn Kathir ou des choses comme ça. Kitab al-Tawhid, c'est des livres connus. Il dit, ولكن, Cheikh il dit ensuite, لكن الذي ننصح به ونشدد فيه وندين الله بأنه حق عدم التعاون مع أهل الضلال والبدع سواء كانوا جماعات أو مؤسسات أو أفراد، ونعني به النشاط الدعوي، فلا يستعان بهم في طبع كتب ولا منشورات لأهل السنة، وكذلك لا يعانون فيها وكذلك لا يعانون لا يعانون فيما هو دعم لنشاطهم الهدام ومناهجهم الفاسدة حتى وإن كانوا مسجد وإن كان مسجدا يختص بهم وينشرون منه أفكارهم الضالة ومناهجهم الفاسدة فإن التعاون معهم في بنائه أو في دعمه بأي شكل من الأشكال عون على هدم السنة ومضارتها، وهي لن تهدم ولكن قد يتضرر أهلها أو جل أهلها في مكان ما، أما هي فلا تهدم وستبقى ولن تهدم ولله الحمد، لكن يتضرر ناس. Donc on va traduire cette partie. Et ça c'est très important parce qu'on voit ce problème. On voit ce problème se manifester dans plusieurs endroits. En France, il y a beaucoup de choubouhat qui tournent autour de ça. Et ailleurs aussi. Donc c'est très important qu'est-ce que le cheikh il explique maintenant ici. Il dit, mais nous donnons comme conseil et nous insistons fortement là-dessus, et c'est sur ça que nous c'est cette position-là que nous avons comme position par rapport à notre religion vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est ça la vérité, c'est qu'on ne doit pas collaborer ou coopérer avec les gens de l'égarement et les gens de dalal, peu importe qu'ils soient des groupes, des institutions ou des individus. Et on veut dire par là, c'est-à-dire quand on parle de collaboration, on veut dire de faire des activités de da'wah. Et on ne doit pas s'entraider ou collaborer avec eux dans, par exemple, l'impression de livres ou de matériel de distribution pour les gens de la sunna. De même que de s'entraider avec eux pour financer leurs activités qui sont destructrices et qui propagent leur méthodologie corrompue. Même si c'est dans le but, par exemple, de construire une mosquée ou d'établir une mosquée qui leur sera spécifique à eux et qui va leur appartenir, et de laquelle ils vont propager et diffuser leurs idées d'égarement et leur méthodologie corrompue, parce que le fait de s'entraider avec eux à construire cette mosquée, ou dans le fait de financer cette mosquée d'une façon ou d'une autre, eh bien, ce sera une aide pour détruire la sunna et pour faire du tort à la sunna, parce que la sunna elle-même, elle ne va pas se détruire, mais les gens de la sunna, eux, peuvent être offensés ou nuis, on peut leur faire du tort par rapport à ça. C'est-à-dire que ça va nuire aux gens de la sunna ou à la plupart des gens de la sunna dans un endroit quelconque. Mais en ce qui concerne la sunna elle-même, alhamdoulilah, la sunna elle-même, elle va rester. La sunna elle-même, elle ne va pas être détruite. Elle va rester. Elle ne sera jamais détruite, alhamdoulilah. Mais les gens de la sunna, eux, on peut leur faire du tort. Et ils peuvent être affectés par ça. Donc le cheikh, il dit, وَيَتَأَثَّرُ النَّاسُ لِقُوَّةِ شَوْكَةِ الْمُبْتَدِعَةِ وَهَذَا الصَّنِيعُ يُقَوِّي شَوْكَتَهُمْ وَيَبْسُطُ سُلْطَانَهُمْ وَيُرَجِّحُ كِفَّتَهُمْ مِنْ حَيْثُ تَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ السُّنَّةِ أَوْ مِنْ حَيْثُ لَا تَشْعُرُونَ. Donc le cheikh, il dit, des gens vont être affectés par ça à cause de la force des mubtadi'a par la suite. Et ça, c'est arrivé. Même ici à Montréal, c'est arrivé des choses comme ça. Qu'est-ce que le cheikh explique? C'est-à-dire des gens de la sunna et qui se disent qu'ils sont sur la salafia, ils reçoivent la visite des gens de bid'a parmi les ikhwan, parmi les gens de tablir, parmi les gens d'autres manahij. Ils viennent dans la mosquée et ils disent: on a besoin de votre aide, on veut ramasser de l'argent pour construire notre mosquée, et ainsi de suite. Et eux, ils les acceptent. Ils disent, ouais, ben finalement, ils veulent construire une mosquée, donc on va les aider. Allah al-Musta'an. Donc ils viennent un vendredi, puis on leur permet de présenter leur projet, et puis de demander aux gens de donner l'argent pour cette mosquée. Et une fois qu'elle est établie, cette mosquée, eh bien, ils utilisent cette aide qu'on leur a donnée, cet argent, pour combattre la sunna et la salafia, et pour faire du tort aux gens de la sunna. Donc c'est pour ça que ce que le cheikh explique, c'est très important. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il y en a qui disent, oh, mais c'est une mosquée, c'est une bonne action. Oui, mais c'est une mosquée qui est construite dans le but d'opposer la sunna, d'opposer les gens de la sunna, et d'élever la bid'a. Donc ça, c'est dangereux. Et en plus, il y en a qui vont avoir même l'idée que, bon, ben si nous on les aide, peut-être eux ils vont nous aider par la suite. Allah al-Musta'an. Donc ça, c'est encore pire. Parce que tu espères que les gens de la bid'a vont t'aider dans la propagation de la sunna, alors sache que ces gens-là, ils détestent la salafiyya et la sunna, et ils n'aideront jamais les gens de la sunna à faire quoi que ce soit pour propager la sunna. Donc ça, c'est très important de rester conscient de ça. Et le cheikh, il dit, donc, ça va, si vous les aidez, vous leur donnez de la force, hein, et vous leur augmentez leur puissance contre la sunna. Et vous faites pencher leur balance pour les gens de la bid'a, hein, contre les gens de la sunna. Donc, que vous le réalisiez, ou vous les gens de la sunna, ou que vous ne le réalisiez pas, c'est ça ce qui se passe. Hein? Et le cheikh il dit ensuite, نعم لا أرى مانعا من إسعاف مريضهم وعلاجه كأن يكون سني طبيب وأتاه إخواني أو تبليغي أو أي مبتدع من المبتدعة فرأى أنه يعالجه لأنه في مستشفى لا مانع من ذلك كذلك إذا عرفت أن هذا فقير وأنه محتاج إلى قوت فلا مانع من أن تعطيه لأننا نحن لم نسلب هؤلاء الإيمان بالكلية أبدا ولكن نصفهم بأنهم مبتدعة ضلال شيخ الزي Et oui, il dit oui, si tu vois par exemple un d'entre eux qui est malade, je vois aucun mal dans ce cas-là de l'aider, hein, de lui donner un remède. Comme par exemple si t'es un salafi, un médecin salafi ou un médecin sur la sunna, et que tu vois un mubtadir qui vient à l'hôpital, qui est malade, que ce soit un ikhwani ou un tabliri, ou n'importe quel autre parmi les groupes de bid'a, il vient pour se faire traiter, parce qu'il est malade, dans l'hôpital, ou des choses comme ça, et ça, s'il n'y a pas de problème, tu peux le traiter, hein, tu peux le t'en occuper. Ou bien, un d'entre les jeunes bid'a, par exemple, qui est pauvre, hein, il n'a pas suffisamment de nourriture, ou des choses comme ça, il n'y a pas de problème de l'aider pour lui donner, parce qu'il est dans le besoin. Tu lui donnes la nourriture, des choses comme ça, ça c'est pas un problème. Parce qu'on l'a pas enlevé, on lui a pas retiré complètement la foi, on n'a pas dit que c'était un kafir, hein? Non, on dit seulement que c'est un innovateur et qu'il est dans l'égarement, mais on n'a pas dit que c'était un mécréant, hein? Ça c'est très important. Naam. Donc ensuite on va lire donc une autre question, et ça va être la dernière question pour aujourd'hui, la question numéro 15. Le cheikh il dit Jazakumullahu khayran وأحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يسأل ويقول كيف يتم الجمع بين الاعتذار للمخطئ والتحذير من الخطأ وهل هذا لا يعتبر من منهج الموازنة؟ Donc on a posé la question au cheikh, comment on fait pour réunir entre le fait de d'excuser celui qui fait l'erreur et le fait de mettre en garde contre l'erreur. Est-ce que cela ne fait pas partie de la méthodologie de Al-Muwazana, c'est-à-dire de mentionner les bonnes actions des gens de Bid'a, c'est le manhaj des Hizbiyin. Ils disent quand tu parles des gens, même si c'est des gens de Bid'a, il faut que tu mentionnes le bien qu'ils ont fait, pas seulement le mal. Hein, il faut prendre le bien de tout le monde et ainsi de suite. Donc est-ce que ça fait, le fait d'excuser l'erreur de celui qui fait l'erreur et d'avertir contre l'erreur, est-ce que ça fait pas partie de ce manhaj là? Et le cheikh il répond, il dit سؤالكم على هذا يتضمن ثلاثة مباحث لأنه يتألف من ثلاث فقرات. Donc il dit, votre question que vous venez de poser, elle comprend trois sujets de recherche, trois points. Elle est en trois parties. Donc le cheikh il dit, المبحث الأول في الخطأ فإن الخطأ الذي قام الدليل على أنه خطأ سواء كان الدليل آية من تنزيل ربنا أو حديثا صحيحا عن نبينا صلى الله عليه وسلم فهو مردود عند أهل السنة وليس مقبولا عندهم يردونه على قائله بالدليل وبالأسلوب العلمي الذي يستكشف به السامع أو القارئ أن ذلك الذي انتشر وذاع وشاع خطأ مخالفة للصواب كما أن يرد كما أن الرد يجب أن يشتمل على تجلية الحق وكيف خالفت تلك المخالفة الصواب. Donc le cheikh il explique premièrement que la première aspect, hein, le premier point qui est mentionné dans cette question, c'est le sujet de l'erreur elle-même, hein, de l'erreur. Le cheikh il dit, si l'erreur que cette personne-là a faite, c'est une erreur au sujet duquel il y a une preuve que c'est une erreur. Peu importe que cette preuve soit du Coran, un verset dans le Coran, hein, ou bien un hadith authentique de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc du moment qu'on a la preuve, cette preuve-là que c'est une erreur, alors dans ce cas-là, cette erreur, elle est rejetée selon les gens de la sunna. Et elle n'est pas acceptée, hein, d'eux. Et ils la rejettent, cette erreur, ils la rejettent contre son auteur, avec la preuve. Ils rejettent l'erreur, ils la renvoient sur celui qui l'a dite, avec preuve. Et avec une méthodologie, ou une méthode, ou un style scientifique, qui va faire découvrir aux auditeurs, ou aux personnes qui lisent, que cette erreur-là qui s'est propagée, et qui a été diffusée, elle est en contradiction avec qu'est-ce qui est correct. De la même manière que la réponse et la réfutation ou la clarification de l'erreur doit être capable de, ou doit être en mesure de faire en sorte que la vérité devienne plus claire par cette réponse et par cette réfutation. Et elle doit clarifier également de quelle manière cette erreur est en contradiction avec ce qui est vrai. Et le cheikh il dit فَرَّادُ السُنِّ يَرُدُّ بِعِلْمٍ وَبِفِقْهِ وَرَدُّهُ مُدْعَمٌ أو مُدْعَمٌ بِالْأَدِلَّةِ الَّتِي تَكْشِفُ عَنِ الْحَقِّ وَتَدْعُ إِلَيْهِ وَتَكْشِفُ عَنِ الْبَاطِلِ وَتُحَذِّرْ مِنْهُ وهذا هو الذي تواتر به النقل عن السلف الصالح الذين استنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهدي خلفائه الراشدين من بعده فالنقل عنهم بذلك متواتر. Le cheikh il dit la réfutation, lorsque la réfutation est faite par le sunni, par quelqu'un qui est sur la sunna, eh bien, il réfute avec science et avec compréhension. Et sa réfutation est alimentée par des preuves qui vont dévoiler et qui vont faire connaître et qui vont montrer la vérité et qui va inviter les gens à la vérité et qui va dévoiler le faux, ce qui est faux. Et qui va mettre en garde contre ce qui est faux. Et c'est ce qui a été, hein, et c'est ça qui a été rapporté de façon, mutawatir, c'est-à-dire, elle a été rapportée par un nombre, impossible à renier. C'est-à-dire, tellement ça a été rapporté par un grand nombre de personnes, que c'est pas possible que ce soit démenti par les salaf al-salih. Un grand nombre d'entre les salaf al-salih ont mentionné ce point-là. Et ils ont, parmi les salaf al-salih, les pieux prédécesseurs qui sont basés sur la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et la guidance des successeurs bien guidés après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les narrations et les rapports à ce sujet-là sont très nombreux, hein. Et c'est impossible de les renier, tellement elles sont nombreuses. Et le cheikh il dit wa ala sabil mithal azkuru atharan wahidan fi amrin يراه بعض الناس صغيرا. أخرج البخاري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى غلاما له يحذف بالحصى فقال لا تفعل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف، أي نعم يحذف، يحذف بالحصى، فقال لا تفعل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ويقول إنها لا تنكأ عدوا ولا تقتل صيدا ولكن تفقأ العين وتكسر السن. فأعاد الغلام فأعاد له فأعاد فأعاد فأعاد له، ثم قال له في الثالثة أو الرابعة لا أكلمك أبدا، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل. Donc le cheikh il dit, pour vous donner des exemples, voici une narration qui a été transmise au sujet d'une chose que certains pourraient considérer comme étant petite, hein, comme étant insignifiante aujourd'hui. C'est rapporté par Al-Bukhari selon Abdullah ibn Mughaffal qu'il a vu un jeune qui jetait des pierres avec ses doigts. Hein. Il envoyait des petits cailloux avec ses doigts, entre ses doigts. Hein, il la plaçait entre son index et son pouce, et puis il la propulsait comme ça en faisant un geste comme ça avec son doigt pour la faire aller, pour la jeter. Donc c'est ce qu'on appelle pichenoter. Hein. Donc il faisait ça avec des cailloux, et Abdullah ibn Mughaffal a dit à ce jeune, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam interdire de faire ça, et il a dit que ça ne peut pas blesser l'ennemi, ça ne peut pas tuer lorsqu'on va à la chasse pour chasser les animaux, mais ça creuse les yeux et ça brise les dents. Si tu l'envoies sur quelqu'un, ça peut lui crever un œil, ça peut lui briser une dent. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de le faire. Et le jeune homme, après lui avoir mentionné ça, il a continué à le faire. Puis il lui a redit, puis il a continué, puis il a redit, puis il a continué, puis il a redit. Puis après la troisième ou la quatrième fois, il lui a dit, je ne te parlerai plus jamais. Parce que je t'ai dit, le messager d'Allah a dit, et tu continues à le faire. Donc, c'est pour montrer comment la chose avait été vue de façon grave. Et comment... le sahabi en question n'a pas supporté que cette personne agisse de cette manière. Le cheikh il dit en commentaire à cette asar, à cette parole, il dit al-yawm qawmuna yuriduna an ya'tu bid'an ka amsal al-jibal hadhihi ila janbiha saghira ma hiya shay khalf al-hasa al-a khalli yakhzif خذف في العصا خلي يخذف ولا وما يقول خلي يخذف يطلفون يلطفون للأئمة في المبتدعة وطوام في البدع هذا هو المبحث الأول. Donc le cheikh il dit, donc à notre époque tu vois des gens, ils ramènent des bid'as grosses comme des montagnes, hein, et ça, c'est-à-dire l'exemple que j'ai mentionné dans cet exemple-là, on parle de pichenoter des cailloux, ça c'est rien par rapport à des bid'as qui sont faites aujourd'hui, qui sont grosses comme des montagnes. Laisse-le pichenoter, hein, ça c'est rien, ça c'est des pichenotes, comparé à qu'est-ce qui se fait aujourd'hui comme des bid'as, hein. Donc, je parle pas de lancer des pichenottes ou des cailloux. Il y a des gens aujourd'hui, tu les vois, ils veulent être doux envers les mubtadi'a, les imams de la bid'a, alors qu'ils ont des graves innovations. Donc ça, c'est la première question. C'est-à-dire, pour résumer qu'est-ce que le cheikh a dit ici, c'est-à-dire, il faut prendre en considération de quelle sorte d'erreur on parle en premier. Parce qu'il y a des gens qui disent « erreur », mais il faut être conscient qu'il y a une différence entre « erreur » et « erreur ». Hein? Donc, il y en a qui mettent toutes les différentes formes d'erreur au même niveau et qui font pas de distinction entre l'égarement et les bid'ah et une faute ou une question d'ijtihad sur laquelle un savant de Ahl-Sunnah s'est trompé. Hein? Ça, c'est deux choses totalement différentes. Mais eux, ils le mettent à égalité comme si les deux c'était pareil. Ils disent, lui, il a fait une erreur, lui, il a fait une erreur. Mais c'est pas la même chose du tout. Et c'est pas la même catégorie d'erreur, et c'est pas le même degré d'erreur, et c'est pas la même personne qui fait l'erreur non plus. Peut-être que ça peut être excusé d'un, mais pas excusé de l'autre. Donc il y a des catégories. Et il y a des différences. Donc ça c'est de un, par rapport à l'erreur elle-même. Le deuxième point que le cheikh mentionne, il dit « Al-mabhath al-thani fil mukhti man huwa nahnu موقنون أن من خالف السنة مخطئ موقنون هذا فلان أخطأ والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل المسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي ألم ينبئه إلى أنه أخطأ في صلاته فما قولكم أجيبوا يا حاضرون ألم ينبئه على خطئه في صلاته ثلاث مرات وهو يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي والرجل يفعل ذلك والرجل يفعل ثم قال بعد ذلك والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمه الحديث معروف مشهور حتى أطفالنا في الصفوف الابتدائية الأولى يعرفونه ولله الحمد هنا نقول كيف نتعامل مع المخطئ فتنبهوا هذا هو محل التفصيل في هذا المبحث donc le cheikh il dit comme deuxième point on veut regarder maintenant qui est la personne qui a commis l'erreur c'est qui cette personne parce que le cheikh il dit nous sommes convaincus que celui qui contredit une sunna est dans l'erreur et on est convaincu de ça un tel il a commis une erreur et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par exemple à l'homme qui a mal prié il priait pas correctement le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit retourne faire ta prière parce que tu n'as pas prié N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a informé de son erreur dans sa salat? Qu'est-ce que vous dites? Répondez-moi, ô vous qui êtes présents. N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a informé qu'il y avait une erreur dans sa salat? Il lui a dit même trois fois. Hein? Et à la fin, à chaque fois, il lui disait, retourne faire ta prière parce que tu n'as pas prié. Et l'homme, il retournait à chaque fois pour refaire sa prière. Puis, à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité comme prophète, je ne peux pas faire mieux que ce que j'ai fait maintenant. Alors, enseigne-moi, apprends-moi. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné. Hein? Et le hadith en question, il est célèbre, il est connu. Même les petits-enfants du primaire, première année primaire, ils le connaissent ce hadith. Alhamdulillah. Et donc ici on dit comment on agit avec la personne qui fait l'erreur. Alors faites attention. Hein, parce que c'est ici, on va, maintenant on doit détailler par rapport à cette question-là. Le cheikh dit Aqul al-mukhti ala darbain. Wa in shi'ta faqul. لا يخلو من حالين. Donc le cheikh il dit, la personne qui fait une erreur, hein, celui qui fait une erreur, on peut séparer la personne qui est dans l'erreur, on peut la séparer en deux catégories, si tu veux. Donc, il va pas être en dehors de ces deux catégories-là. إما أن يكون صاحب سنة زلت به القدم أراد الحق ولكنه لم يوفق هذا أولا هذا الشيخ الزي أولا يرد الخطأ لما لما تقرر آنفا ووعيتموه أن الخطأ لا يقبل عند أهل السنة وأزيد هنا أن المقصود تسفية التدين وتخليصه من شوائب البدع وشوائب الخطيئات وإن كانت صغائر. Donc un cheikh il dit, donc on a dit que la personne qui fait l'erreur, elle est de deux catégories. C'est-à-dire, elle ne peut pas sortir d'une de ces deux catégories suivantes. Premièrement, que cette personne qui a fait l'erreur est une personne qui est sur la sunna et qui a glissé. Son pied a glissé sur une question. Il a voulu trouver la vérité ou arriver à la vérité, mais il n'a pas eu le succès. Donc, le cheikh il dit, donc, premièrement, on rejette et on renie ou on réfute l'erreur en question. Par rapport à ce qu'on a expliqué précédemment, du fait que, hein, vous l'avez compris, l'erreur, elle ne peut pas être acceptée selon les gens de Ahl al-Sunnah. Et il dit, je rajoute ici que qu'est-ce qu'on veut dans cette réponse, dans cette réfutation de la fausseté, on veut quoi? On veut purifier notre religion. Et on veut faire en sorte que notre religion soit exempte et purifiée des différentes innovations et des différentes erreurs, même si ces erreurs-là peuvent être petites ou vues comme étant petites. Deuxièmement, le cheikh dit « وَثَانِيًا لَا يُتَابَعُ عَلَى زَلَّتِهِ بِحُجَّةِ أَنَّهُ عَالَمٌ لَا يُتَابَعُ عَلَى زَلَّتِهِ بِحُجَّةِ أَنَّهُ عَالِمٌ كَانَ مُجْتَهِدًا طَالِبًا لِلْحَقِّ لَا يُتَابَعُ عَلَى زَلَّتِهِ بِحُجَّةِ أَنَّهُ عَالِمٌ كان مجتهدا طالبا للحق فلا يبرر لك اجتهاده وسبقه في الفضل وجلالة قدره وإمامته فلا يبرر لك اجتهاده وسبقه في الفضل وجلالة قدره وإمامته في الدين أنه مجتهد قال الحق فأنت تتابعه ما دمت عرفت أنه أخطأ فإنك أنت حال فإنك أنت حال معرفتك خطأه ومخالفته للحق آثم إذا تابعته أما هو ما دام مجتهدا طالبا للحق فإن خطأه مغفور وهو مأجور على اجتهاده قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد. Donc le cheikh il a expliqué un point important, il dit que deuxièmement, si c'est quelqu'un qui a fait une erreur et qui est un savant mujtahid et qui a fait cette erreur-là en cherchant à trouver la vérité mais qui n'a pas réussi à l'obtenir ou à l'atteindre, eh bien le fait qu'il est, que ce savant qui a fait l'erreur est un savant mujtahid, hein, qui a un niveau très élevé dans la science, eh bien ça ne justifie pas pour toi et ça ne rend pas permissible pour toi le fait qu'il soit un savant, qu'il ait fait un ijtihad, et qu'il ait le mérite, hein, et qu'il ait, et qu'il, que dans le passé, il a un grand mérite, et il est connu pour son grand mérite et pour sa grande capacité, du fait qu'il est un imam dans la religion, qu'il est un mujtahid, qu'il a cherché la vérité, ça ne justifie pas que tu le suives dans son erreur. Du moment que tu es conscient, que tu as su que ce qu'il a dit est une erreur, ou ce qu'il a fait est une erreur, hein, alors toi, dans ce cas-là, à partir du moment que tu as cette connaissance de son erreur et de, du fait qu'il a opposé et contredit la vérité, dans ce cas-là, tu es dans le péché si tu le suis. Dans ce cas-là, tu seras dans le péché si tu le suis dans cette erreur. Pourquoi? Parce que, yani, si lui, il est mujtahid, son erreur à lui, puisqu'il cherchait la vérité, il sera excusé. Et il sera pardonné par Allah. Et il sera même récompensé pour son ijtihad. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le juge fait un jugement en faisant un effort pour trouver la vérité, mais qu'il, et qu'il a la bonne réponse, la bonne ijtihad, dans ce cas-là, il a deux récompenses. Mais s'il fait un effort pour trouver la vérité et qu'il se trompe dans son jugement, alors dans ce cas-là, ce juge, hein, il aura une seule récompense. Hein, il aura dans ce cas-là une seule récompense et non pas deux, hein, à cause de son erreur. Mais il aura une récompense pour son effort. Hein, donc ça, c'est pour lui, mais pas pour celui qui le suit et qui sait que c'est une erreur et qui le suit dans l'erreur. Celui-là, il n'aura pas d'excuse. Alors le cheikh, il continue et il dit: wa anta muttabi'un aw muta'abbadun, anta muta'abbadun bima qama 'alayhi ad-dalil min al-kitab was-sunnah, muta'abbadun bihi li'annahu haqq, laysat muta'abbidan, lasta muta'abbidan bi-ijtihadi ahad. فاجتهادات أهل العلم والأئمة ليست بمعصومة، ولهذا لا يجوز أن تتخذ منهجا، وهذا هو الذي يعتذر له، وهذا هو الثالث. نقول donc le cheikh il dit, toi Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas ordonné d'adorer, de l'adorer, yani par son ijtihad, du fait que tu sais qu'il est dans l'erreur, mais tu continues à le suivre dans l'erreur parce que tu dis c'est un mujtahid. Allah ne t'a pas ordonné de suivre l'erreur du mujtahid. Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de l'adorer en suivant la preuve du Coran et de la Sunna, c'est-à-dire de suivre la vérité. C'est ça qui est une adoration pour toi. Et yani, c'est pour ça que tu yani, que tu suis là, yani, si le savant fait un jugement ou un verdict dans la religion, tu le suis par rapport au fait qu'il est en train d'appeler et de faire son jugement selon le Coran et la Sunna. Donc tu le suis dans la vérité. Mais tu n'es pas ordonné d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par l'ijtihad de quelqu'un lorsque tu sais que son ijtihad est erroné et incorrect. Parce que les ijtihads des savants et des imams, ils ne sont pas infaillibles. Et c'est pour cette raison-là qu'il n'est pas permis de prendre la méthodologie, de prendre plutôt l'erreur de ces savants-là comme méthodologie. Il n'est pas permis de prendre l'erreur de ces savants comme méthodologie. Hein? Ça, c'est donc وهذا هو الذي يعتذر له. Celui pour qui on donne des excuses parmi ceux qui font des erreurs, c'est les savants qui font l'ijtihad et qui se sont trompés. Hein? Il dit, mais il dit ça, c'est la troisième catégorie. La troisième catégorie, il l'explique. Il dit ثالثا يعتذر له ولا يشنع عليه ولا يسرب عليه ولا ينفر عنه ولا ينفر منه لما هو متقرر عند أهل السنة من جلالة قدره وسابقه في الفضل والإمامة في الدين. ولهذا يقرر الأئمة فيما يقررون أنه لو كل مخطئ شنع عليه بما بقي ما بقي أحد. لو شنع كل مخطي لو كل مخطي شنع عليه ما بقي أحد. ويعنون بهذا من عرفوا أن بأنه أهل السنة فأصولهم على السنة. وكم من عالم يخطي خطأ فاحشا في الاعتقاد في العبادات العملية في المعاملات، ومع هذا عرفنا المنصفين والأئمة يردون خطأهم مع حفظ كرامتهم وصيانة أعراضهم. Donc le cheikh il dit, donc c'est la troisième catégorie, ceux qu'on excuse lorsqu'ils font une erreur, et on ne va pas les blâmer ou parler d'eux, c'est-à-dire de les dénigrer, hein, ou leur faire des blâmes et faire fuir les gens d'eux parce qu'ils ont fait cette erreur-là. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce sont des imams dans la sunna, des gens qui ont un respect pour la sunna et qui aiment les gens de la sunna et qui ont défendu la sunna. Ils ont un précédent dans la sunna et dans le mérite et dans le fait d'être un des leaders dans la religion et dans la sunna. Donc, à cause de ça, on voit que le cheikh il dit que les savants ont établi et ont confirmé que même si un savant comme ça, qui est sur la sunna, fait une erreur quelconque, parmi les erreurs d'ijtihad qu'on a mentionnées, eh bien, il est excusé. Et que si on devait dénigrer toute personne qui fait une erreur, il ne resterait plus personne. Et ils veulent dire par là, bien sûr, ceux qui ont été connus comme faisant partie des gens de la sunna, les salafis. Leurs fondements sont les fondements de la sunna. Ce n'est pas des mubtadi'ah, non. C'est des savants de la sunna, mais qui ont fait des erreurs. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Parce qu'il y a des gens, il y a des hizbiyin, ils veulent élever des mubtadi'ah au niveau de savants de la sunna. Et ils veulent les traiter de la même manière que les savants de la sunna qui font des erreurs. Ce n'est pas la même chose. Les mubtadi'ah, ce n'est pas la même chose qu'un savant de la sunna qui fait une erreur. Donc, le cheikh, il dit ici, les fondements de ces savants-là sont les fondements de la sunna. Et combien de grands savants dans l'islam, dans la sunna, ont fait des erreurs, et parfois c'est des erreurs très, très, très grandes, des erreurs graves dans la aqidah et dans l'adoration, dans les pratiques et dans les interactions. Et malgré tout, on a été toujours honnêtes et justes avec eux. Et les imams réfutent leurs erreurs en respectant leur honneur et en les honorant et en préservant leur honneur aussi malgré ces erreurs là et il dit وعلى سبيل المثال ابن قدامة المقدسي صاحب لمعة الاعتقاد قال في مواطن بالتفويض في نصوص الصفات فرد عليه سماحة الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله ردا قويا جل فيه الحق مع حفظه كرامة ابن قدامة رحم الله الجميع. Donc il dit, pour donner un exemple, il y a Ibn Qudama al-Maqdisi, celui qui a écrit le livre L'Umma'at al-I'tiqad, et qui a écrit Al-Mughni et d'autres livres également. Dans un endroit dans son livre L'Umma'at al-I'tiqad, il mentionne la position du tafwid dans les noms, dans les attributs d'Allah. Dans les textes des attributs d'Allah, il mentionne la position du tafwid. Et le tafwid, c'est la position des gens de bid'ah. Tafwid, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on prétend qu'on ne peut pas connaître les significations des attributs d'Allah. Et que c'est des mots qui n'ont pas de sens, qui n'ont aucune signification. Ils prétendent, comme on l'explique maintenant dans Al-Fatwa al-Hamawi, on a parlé de ça souvent, ils prétendent que c'est. Il y en a des choses qui ne sont pas voulues. Leur sens apparent n'est pas voulu. Donc ça, c'est la voix des gens de tafwid. C'est une voix des gens de bid'ah, parmi les gens qui nient les attributs d'Allah. Et donc, le cheikh Mohammed ibn Ibrahim, hein, l'ancien mufti, celui qui était le cheikh de Cheikh Boubaz, eh bien, il l'a réfuté d'une réfutation très forte et il a fait apparaître la vérité au sujet de cette erreur-là, tout en préservant l'honneur dû hein, à l'imam Ibn Qudama, rahimahullah, wa rahimallah al-jami'a. Ensuite, le cheikh, il dit, et le troisième point dans cette question, troisième point qu'on veut clarifier maintenant, on a parlé de l'erreur, ça c'était le premier point, on a parlé de la personne qui fait l'erreur, et maintenant comme point numéro 3, le cheikh il dit, donc le point numéro 2 c'était de voir, de prendre en considération c'est qui fait l'erreur, parce qu'il y en a des fois maintenant, ils ne font pas distinguer si la personne qui fait l'erreur est un mubtadir égaré, ou bien si c'est une personne qui est sur la sunna qui fait une erreur d'ijtihad, c'est deux choses différentes. Eux, ils mettent les jeunes bid'ah à la même égalité que les imams de la sunna. Hein? Et dans le premier point, on a dit, ils prennent une erreur dans les fondements et dans les choses qui sont apparentes et claires, et que c'est une erreur faite par un innovateur, et ils la mettent au même degré que yani une erreur d'ijtihad ou des choses comme ça. Et ça, c'est de la malhonnêteté pure. Après le point numéro 3, al-mabhat al-thalith, wa hal hadha min al-muwazanat aw at-tafriq baynahu wa bayna al-muwazanat. Awalan, i'lamu anna lafdh al-muwazana muhdath وأنا والله حتى الساعة لا أعلم إماما قال به بل الأمر عندهم كما حكيت لكم إن شاء الله وأرجو أني وفيت يردون الخطأ على قائله ويفرقون بينه وبين المبتدع فهو محدث. Donc le cheikh dit, et la troisième question qu'on veut clarifier ici, est-ce que le fait de distinguer de cette façon-là avec les gens et de réfuter leur erreur et de ne pas les dénigrer eux-mêmes, est-ce que ça a un rapport avec al-muwazanat ou bien c'est différent de qu'est-ce qu'on appelle al-muwazanat, c'est-à-dire de mentionner le bien des gens de bid'ah et de ne pas rejeter leurs actions, leurs paroles et leurs livres, ou ainsi de suite. C'est-à-dire de prendre le bien, de laisser le mal, puis de ne pas mentionner que le mal des gens de bid'ah. Donc, le cheikh dit, premièrement, j'ai jamais connu, hein, par Allah, je jure que jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais connu un imam de la sunna qui a utilisé la règle des mubtadi'a de al-muwazanat. Hein? Donc la question, c'est telle que je vous l'ai mentionné et telle que je vous l'ai clarifié dans la réponse, qu'est-ce que j'ai dit auparavant. Et j'espère que j'ai clarifié comme il faut. On réfute l'erreur de la personne qui a fait son erreur. Et on distingue entre lui, s'il est sur la sunna, et le mubtadi. Parce que cette parole de muazana, ça c'est une bid'ah, ça n'a pas rapport. Hein. Il dit, وثانيا الموازنات من من أحدثها أحدثها الحركيون وهي عندهم أنه لا يرد على المبتدع بدعته حتى تذكر حسناته إلى جانب سيئاته المردودة ومرادهم من ذلك التشويش من جهة على الناس فإن أكثر الناس لا يدركون ومن جهة أخرى يريدون تلطيف حال هذا الإنسان الذي شهرت بدعته واشتهر بها. Donc le cheikh il dit, deuxièmement, les muwazanat, c'est qui l'a inventé ce manhaj? C'est les gens les harakiyoun, les gens de bid'a, parmi les hizbiyin, les gens qui suivent les mouvements islamistes comme les frères musulmans et les sururiyas et les gens de cette catégorie-là. Il dit, pourquoi? Parce que, le cheikh dit, parce que ces gens-là, ils disent que lorsque tu réfutes Hein, ils disent en fait tu ne dois pas réfuter un mubtadi' et réfuter sa bid'ah sans mentionner les bonnes actions qu'il a faites à côté de ses mauvaises actions. Hein? Tu dois mentionner le. Si tu réfutes une bid'ah de mubtadi', tu dois automatiquement mentionner des bonnes actions qu'il a faites. C'est ça le muwazanat. Ça c'est une bid'ah. Il n'y a aucun des savants de l'islam qui a jamais dit ça. Hein, c'est comme si tu vas. Les savants des salafs, quand ils réfutaient Jahm ibn Safwan ou Bishr al-Murrisi ou n'importe quel autre parmi les Mubtadi'a, il n'y en a pas un d'entre eux qui disait bon, Jahm ibn Safwan, il a nié les attributs d'Allah, il a nié les noms d'Allah, mais en même temps aussi, il faisait du bien, il aidait les gens, il aidait les pauvres, il faisait des bonnes actions. Hein. Il n'y a jamais aucun d'entre eux qui parmi les ulama qui ont utilisé cette méthode. Donc, les imams des salafs, lorsqu'ils réfutaient un innovateur, comme Jahm ibn Safwan, n'importe quel autre parmi les innovateurs, Bishr al-Murrisi, ils réfutaient son égarement, ils mentionnaient son erreur, ils mettaient en garde contre lui et contre ses livres et contre ses idées, et ainsi de suite. Hein? Et comme je disais, ils vont pas dire « Oh, mais Bishr al-Murrisi, il avait un bon comportement, il était gentil, il était ci et ça en même temps. » À quoi ça sert de mentionner l'égarement de ces gens-là, puis après de commencer à énumérer leurs bonnes œuvres? Ça, c'est une méthodologie déviée et égarée qui a été établie pour, comme le cheikh il le dit ici, leur but en faisant ça, c'est de faire des problèmes. Juste dans le but de essayer de défendre les gens de bid'a, de défendre leur innovation, et aussi ils veulent qu'on agisse avec douceur envers ces individus-là dont la bid'a a été connue et qui ont été connus par ces bid'a-là, hein, pour les défendre. Donc le cheikh il dit وَثَمَّتَ أَمْرٌ رَابِعٌ وَكَانَ مِنَ الْمُفْتَرَضِ أن يكون في المبحث الثاني أقول عرفنا آنفا أن أهل السنة يوقرون المخطئ من أهل السنة ولا يتابعونه على زلته ويجب أن تعلموا أنهم يفرقون بين المخطئ بين المخطئة عرفتم معاملته عرفتم معاملتهم لمخطئة أهل السنة فما معاملتهم لمن كان على بدعة وهو الصنف الثاني من المخطئة وهذا هو الذي عرف الحق وبان له ثم خالفه عنادا وإباء واستكبارا عنهم فهذا لا كرامة له عندهم مبتدع ضال يحذرونه ويحذرونه ويحذرون منه ويهجرونه لكن متى يهجرونه ومتى يحذرون منه إذا قوي سلطانهم ورجحت كفتهم وكانت شوكتهم قوية على أهل البدع أما في حال ضعفهم وقوة شوكة المبتدعة ورجحان كفتهم وبسط سلطانهم فإنهم يكتفون برد الخطأ ولهذا يجب أن تعلموا أن أهل السنة وسط. Donc le cheikh il dit, puis il y a une quatrième chose, il dit ça on aurait dû le mentionner dans le deuxième point quand on a parlé de qui fait l'erreur, hein, mais il le mentionne ici. Il dit on a su déjà, on a parlé que la personne qui fait une erreur parmi les gens de la sunna, on va quand même avoir le respect pour lui. Hein? Et on va pas le suivre pour cette erreur-là. Dans le sens qu'on va pas complètement le rejeter par rapport à l'erreur qu'il a faite. Parce qu'il fait partie des gens de la sunna, donc on réfute l'erreur, mais on le respecte quand même. Et il dit, par contre, vous devez savoir qu'on fait une distinction par rapport aux gens qui font des erreurs. Et dans la façon d'agir avec les gens qui font des erreurs parmi les gens de la sunna et parmi les gens de la bid'a. Hein? Donc, les gens, par exemple, si quelqu'un fait une erreur parmi les gens de la bid'a, eh bien, ça, c'est la deuxième catégorie de personnes qui font l'erreur. C'est-à-dire la personne qui a connu la vérité et à qui on lui a clarifié la vérité, puis qui a décidé de d'opposer cette vérité-là par orgueil, par refus et par arrogance. Hein? Donc, cette personne, les gens de Ahl al-Sunnah n'ont aucun honneur, aucun respect pour lui. Ils le considèrent comme étant un innovateur égaré et ils s'écartent de lui et ils prennent garde et ils mettent en garde contre lui et ils le boycottent. C'est-à-dire, ils coupent les liens avec cette personne, ils ne le fréquentent pas. Et après, le cheikh dit, oui, mais en même temps, quand est-ce qu'on va lui faire le hajj, quand est-ce qu'on va le boycotter et quand est-ce qu'on va mettre en garde contre lui? Il dit, c'est lorsque les gens de la sunna ont la force et que la balance penche en leur faveur et qu'ils ont une force contre les gens de bid'ah. Tandis que si les gens de la sunna sont faibles, eh bien, dans ce cas-là, si la position des gens de la sunna est faible et que les gens de bid'ah sont, c'est eux qui ont la force et c'est pour eux que la balance pèse, hein, et penche, et que leur autorité, elle est limitée, elle est faible. Alors, dans ce cas-là, on se limite uniquement à réfuter l'erreur en elle-même, sans s'attaquer à la personne de ces gens de bid'ah. Le cheikh dit, c'est pour ça que vous devez savoir que les gens de la sunna sont dans le juste milieu. C'est-à-dire, le cheikh dit, « Awalan, la yakbalun al-khata. » Premièrement, ils n'acceptent pas l'erreur. Thaniyan, yufarriquna bayna al-mukhti'a. C'est-à-dire, deuxièmement, on fait la distinction entre les personnes qui font l'erreur. Wa thalithan annahum yasta'miluna ash-shidda min haythu takunu ash-shidda nafi'a wa minha al-hajr wa at-tahdhir min a'immatihim wa yasta'miluna ar-rifq min haythu la yanfa'u illa ar-rifq. فهم ليسوا على الرفق مطلقا في كل زمان ومكان من غير مراعاة للحال وليس على الشدة مطلقا في كل زمان ومكان من غير مراعاة للحال هم أهل حكمة وأهل بصيرة فالشدة عندهم في موضعها والرفق عندهم في موضعه. Donc le cheikh, il dit comme troisième point que les gens de la sunna également, ils utilisent la dureté lorsque la dureté est bénéfique, c'est-à-dire comme par exemple ils vont boycotter la personne et mettre en garde contre elle, et ils vont utiliser par contre la douceur lorsque la douceur est nécessaire et que c'est uniquement cette chose qui sera bénéfique. Donc ils ne vont pas voir que c'est la douceur qu'on doit adopter de façon absolue à toute époque et à tout endroit, sans prendre en considération l'état et la situation. Et ils ne vont pas non plus prendre la dureté de façon absolue à toute époque et en tout lieu, sans prendre en considération l'état et la situation. Ce sont des gens de la sagesse et des gens de compréhension. Les gens de la sunna, ce sont des gens de sagesse et des gens de compréhension. Donc, on utilise la dureté lorsque c'est à sa place, et on utilise la douceur à sa place aussi. Donc, pour résumer les trois points, les gens de la sunna sont juste au milieu, c'est-à-dire, premièrement, ils n'acceptent pas l'erreur elle-même, mais ils distinguent par rapport à l'erreur, et ils distinguent par rapport à la personne qui fait l'erreur, que ce soit que, si c'est des gens de la sunna ou des gens de la bid'a. Et il distingue également entre la dureté et la douceur, et quand est-ce qu'on doit être dur et quand est-ce qu'on doit être doux, et la différence entre les deux, quand est-ce qu'on doit le faire selon la situation. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera la suite du livre au prochain cours, inshallah, samedi prochain. Demain on fera Al-Hamawiyya, Al-Fatwa, le Sharh de Al-Fatwa Al-Hamawiyya, comme on le fait tous les dimanches, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.